one expected me to blow like this. Je fais partie de ceux que t'aimes haïr, ça te fait chier de voir réussir. Peut-être à cause de ma face ou de mes façons d'agir. Mais faut le dire, je fais pas partie de la même race que toi. On dirait que ça m'affecte même pas. Tout ce que je fume puis je bois, je suis plein de cash, on le sait pas. Penses-tu que j'ai un emploi? Je fais quoi à part la musique? Pourquoi tu t'occupes de ça? À chaque fois je dérange, on dirait que rien me dérange. Mon flow est hot, moi je reste froid comme le mois de décembre. Descends les autres, ma race fait pas ça. Elle fait son propre chemin, peu importe comment ça finira. Fais toute la dernière minute, j'arrive à temps. Bon, peut-être pas tout le temps, mais c'est pas ça d'important. J'suis pas mieux qu'avant. Encore gratuit, désillusionné. Ma face reste neutre, ça m'en prend plein pour m'impressionner. Vous aimez pas la face, aimeriez être à notre place. La pire des races, détesté dans ta ville comme une SRAS. People talking young, but we don't care. Keep on hating young, cause we won't share. The most hated on, or those who say they're getting hated on. Oh, c'est deux faces, c'est yo la pire des races. People talking young, but we don't care. Keep on hating young, cause we won't share. The most hated on, or those who say they're getting hated on. Oh, c'est deux faces, c'est yo la pire des races. Combien de monde me déteste, y'en a presque autant qui m'adore. Mais les laisser indifférents, ce serait mon pire cauchemar. Tu pensais juste à Montréal, que les gars agissent en animal. Les faire recours chez nous, que je te présente mes cannibales. C'est pas normal, yo, c'est pas mal facile de prendre une claque. Les regards se croisent, les épaules se cognent, premier contact. Ça passe la cour d'école, maison de jeunes jusqu'au bord. Peu importe t'es qui et d'où tu viens, c'est la loi du plus fort qui domine. Fuck celle du moindre effort. Rester sur son cul et parler fort, ça mène nulle part. Si tu m'envoies en ambulance, et yo, je t'envoie en corbillard. J'suis pas de l'an du tout, mais tant de la joue, c'est pas mon fort. Hey, yo, relax. Ça fait longtemps que j'ai payé mes dues. J'ai plus de temps à perdre et de la patience, j'en ai plus. J'ai peut-être vieilli trop vite, mais j'ai pas mal de vécu. Le temps a passé trop vite, mais y'a des choses, j'en ai vu. People talking young, but we don't care. Keep on hating young, cause we won't share. The most hated on, or those who say they're getting hated on. Oh, c'est deux faces, c'est y'a la pire des races. People talking young, but we don't care. Keep on hating young, cause we won't share. The most hated on, or those who say they're getting hated on. Oh, c'est deux faces, c'est y'a la pire des races. Tout le monde comme des adversaires, jusqu'à preuve du contraire. Tu as des jogging à terre, aspirant millionnaire. J'haïs à peu près tout le monde, je fais pas chier pour autant. Pas en sortant, sandale cheap avec des bas blancs. Ça fait ça. Malgré mon âge, j'aime pitonner au Xbox, au Play 2 ou écouter des séries B. Des gars comme moi, leur but d'envie c'est gagner le jackpot. Tu es pas, peu importe, il faut que ça. Est-ce que c'est le fait que je réussisse ou celui que tu fasses? Pour chaque personne qui respecte, y'en a deux qui taillent. C'est universel, une loi physique dans la musique, ça critique. Sans crédibilité, même c'est comique, c'est facile de commenter dans dehors du ring. Mais sur stage ils sont coincés comme un cock ring. Et yo, tout le monde est victime de player hate dans le domaine. Tu connais le phénomène, nouvelle rumeur chaque semaine. Pareil que je suis bourgeois, quoi? Fils de riche, n'importe quoi. Penses-tu que je perdrais mon temps à faire ça si c'était le cas? Je pense pas, la musique paye pas, mais je manque pas de cash. La pire des races, tu connais le nom, d'où face. People talking young, but we don't care. Keep on hating young, cause we won't share. Don't hate it on.